Kill music, baby. Mots discrets, message d'intérêt, portier, kill music. Trop de choses se sont passées, trop d'MC veulent me clasher. Trop de produits sortent en ND, si ça pèse c'est ma destinée. Pareil que l'under ça paye plus, mais y'en aura toujours qui parleront de la rue. Quand diront sur leur vécu, mais si seulement j'avais su que le rap y'avait des coups de pute, je me serais mis dans le jazz ou dans la soul. J'ferais des bras avec un flingue, une cagoule. Certes j'suis con mon rien, ça veut pas dire que j'ferais vos coutumes. Tu me traites de faux rien parce que j'veux pas que tu lâches tes thunes. J'veux le bonheur de chacun, même quitte à finir dans le bitume. J'ai accepté le rap à force de prendre des chiffres en pleine figure. Je me suis dit être MC c'est forcément faire des rafures. Pour sortir un gros projet faut une équipe derrière cassure. Discret, c'est l'empreinte vocale à chaque mesure. C'est mon accent est dangereux, ça la provient de la Côte d'Azur. Qui veut prendre en place, moi qui fais du travail tout terrain. Qui veut test mon registre avec un flow venu de loin. Mais ça souterrain, interdit au petit tapin. Niggas mention the one love, one love. Qui veut prendre en place, moi qui fais du travail tout terrain. Qui veut test mon registre avec un flow venu de loin. Mais ça souterrain, interdit au petit tapin. Niggas mention the one love, one love. C'est la crise dans l'industrie du disque. Depuis que ça sort des groupes de merde, ils ont pas vu les risques. Ils se plaignent tous d'avoir récolté des chips. Après ils se demandent pourquoi les stars sortent de l'académie. On fournit de l'under en indé, on rappe la rue en qualité. On cherche pas à être signé, on nous a appris à vous blesser. Pour le style, ou bien quand tu dois nous la lécher. Je crache mes fers, ma vérité en toute impunité. Quand j'expose mes faits, c'est toujours avec sincérité. Je prends pas le rôle de ces connards, c'est pas dans ma façon d'écrire. Ça rend pas service à mon art, pourquoi je reste ce que je suis. Obama et King of State, ça veut pas dire je veux m'en sortir. Je me vois plus tout à fait pour un blanc depuis que nos mères ont trop subi. Depuis la ride des francs, l'État essaye à tout prix de nous détruire. Africain à jamais, on aura toujours le fils. MC à jamais, on restera fidèle à la. Qui veut prendre en place, moi qui fais du travail tout terrain. Qui veut test mon disque avec un flow venu de loin. Mais ça souterrain, interdit au petit tapin. Niggas mention the one love, one love. Qui veut prendre en place, moi qui fais du travail tout terrain. Qui veut test mon disque avec un flow venu de loin. Mais ça souterrain, interdit au petit tapin. Niggas mention the one love, one love.